to from Africa na lingiotika kota misanga moko pote abanjelue yo yo oh oh oh ngalala liya go mawa oh ise yo mona mama ngana peleli awa kaka boye oh to kana kinga na yo mama se mariage o pete na mozabi nanda kwanza mbe ona nda kwanza mbe ya malangwa me to kana kino tre bien chérie. Quand on a bien, on est comme si c'est à boy. Et comme si c'est à consambre sans auto. Oh oh oh oh. La la la la la ma wa wa. Il te yo, mon ama ma kaila. Mon appelé li amba. Petit bébé, oh rôle de Miguel. Dikambo, oh yanga na bakutu. Ngakutu na sanga maloba. Nalelaka na melodie. PDG, PDG. Yoka kolela ya mwana moto. Naleli oron, naleli yo. Boni yoko sala kanga boye sulukia. Naleli oron, mana mama. Chérie Bakutu Zoa Nalingi otika kota mwizanga moto Toye maleluya mapatanza mema zibwama Mapungo la bolingo na bisonze la rapato kwela nangana yo Mwana papa Bakutu Yo famenwa Bakutu fama afrikana Jengaka chante mon mama sakala Jengaka chante Jengaka chante Chéri Bakutu zoae zoa Chéri Bakutu passi passi mama Chéri Bakutu zoae zoa nga mwana na katina kolela nga mwana na katina kobelela mama nga mwana na katina konzemba nga mwana na katina kolela na zwa yo e pai wapi e bo Bakutu mama na lingia sala Bakutu tika ko sala ka sambla o sala na tika ni na mawa Bosiana. Note bona côté à côté Founders, tiens. Pecha beba quoi. Pecha beba. Oh, dernier funda quoi. Ah, t'es Betuana. Non, tout le monde a gagné. Ah, y'a Benz. Faut que tu sois fanatique, n'a pas vu ça, Evunda, et le connu. Evunda, ça dit beauté à moi si, qui toque à moi si. Ah, Bakoto, moi si qui toque. Tuna, tuna, tuna, mote mananga. Tuna, tuna, tuna, mole mananga. Oh, oh, beje nanga. Angela Adonanga. Oh, oh, Asta Rokia. Zelanyo sonako tambola bako tuna wapi santa. Wapi dina. Ubaka. Na leli. Chance. Mandolina e nga na leli o. Je vous capte 5-6-5. Ok, ok, ok, ok. RPR vous donne l'heure exacte. Il est 35 minutes depuis qu'il est 21h. Vous pouvez arranger vos tango s'il vous plaît. Au studio, VV, mobile, VV. Oui, piste. N'a pas de quoi. Le gola. Bolingwango. Batu tu batu ba yebi ezali suna dina te to bomba bo bolingo ko bomba soke ko makasi eniki saka mboka bolingo yanga na ye e bandaki na bandaki kaka awa na studio mobile bebe na libana kaka ye alaona na moni kaka petite na legani na bi ah pa petite a kartio mbulo na landi petite. La petite litoy, la présence ya, ya bien mal zéper la qui on a saigné l'œil. Azala qui n'a qu'à studio, bah tu vas bibi, PDG, Azala qui on a. Il y a des noix de paix, Azala qui. Bah lui petit, moi la moitié, la moitié se passe. RTL. Faut l'année là, RTL. L'année là, litoy a âge n'a été. RTL. Mais au bon sani, oncle, maneno, je vais Azala qui témoin. Ouais, ouais, ouais, ouais. Azala qui mou boulou m'kolouana. Pagaï. Petite. Azuli toi yambula na ete petit akoyi. To baluki na petit. A jedika. Na côté bar. Na 1 2 3 mama kulutu. Partout tina Congo to komaki. Petit tu salindenge nyoso. Na ler moko. Petit a Monica parisien va débarquer. Petit a tengami. Ah. Ma petite qui n'est pas niveau sarabouéco. C'est que mon nom est joli toi. Il faut comprendre. Bon, les gars, mon petit. Le col, on t'a mis à yon. On a bien comment on a vendu. La langue à la star, c'est à tout. Le col, on t'a mis. On a bien à t'a mis carrément. Musique à la langue à la star. Qu'on y a tout. Ça va. Ah, si tu le n'as pas moi si tu chérie, na yezo baro, mama hey, na zi trouble, qui toko na yo epe ki sanga na linga basusu, holei sanga nini ye pona landa kayo, zuanga moumbu ya bolingo nandimi, mba ye bisanga yo pousa konyo kolo babalie, osili sanga vwema posa ya kofole. Ngana koma kokondo kondo basusi. Mama, zonga tabo yandako, natala kakitoko na yo. Yo fame noa bakutu, fama afrikana. Nadigi yadika kota fwisa nga moto.